très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La dictature du 4 août est une solution qui, d'une certaine manière, rappelle toute une série de solutions similaires. C'est-à-dire l'instauration de régimes dictatoriaux et la montée de mouvements fascistes. Pas de surprise à Athènes, donc. Le gouvernement Novas a vécu avant même d'avoir été investi. Monsieur Novas a été mis en minorité par 167 voix contre 131. Cette semaine, la Grèce. Les colonels qui ont jeté le masque exploitent à fond l'avantage de la surprise. Ils annoncent à la population qu'après le coucher du soleil, on tirera à vue sur les passants. Histoire et politique. Churchill, Staline. Churchill, dialogue. Staline qui dit, prenez la Grèce. C'est le seul texte de dialogue de chef du monde qui existe. Parce qu'il a été trouvé dans le bureau de Churchill après sa mort. Une plaque tournante de la démocratie. Histoire vivante. Cette semaine, la Grèce. Aujourd'hui, suite de l'entretien avec Robert Mantoulis, réalisateur. Robert Mantoulis, on va maintenant parler de ce moment, de ces 7 autres années qui ne vous verront pas en Grèce, mais sur lesquelles vous allez revenir plus tard, en faisant notamment ce documentaire que j'ai vu sur les colonels grecs, ou la Grèce des colonels, je ne sais exactement quel titre est donné, je crois que ce sont les colonels grecs. La dictature des colonels grecs. Dictature des colonels grecs. On va peut-être commencer par le commencement, ce qui me paraît être le préalable. C'est quoi une dictature ? Une dictature, c'est un mot qui vient du latin, c'est du dicta. On dit, c'est comme ça, et on ne peut pas avoir une objection. C'est ça la dictature. On dit, on fait ce qu'on vous dit. Pendant le Moyen-Âge, tout était dictature, si vous voulez. On parle de dictature maintenant parce qu'il y a une démocratie. Et quand il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'une démocratie, on l'appelle dictature. Depuis qu'il y a de démocratie, c'est-à-dire depuis la réveil, si vous voulez, d'une ancienne démocratie athénienne, en France, par exemple, avec la Révolution française, ou même aux États-Unis, souvent, une démocratie suit une république, c'est pas exactement la même chose, et une république qui prend la place d'une monarchie. Monarchie, république, démocratie. Dans la démocratie, elle naît à Athènes. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais elle naît à Athènes, une formidable loi. Parlait d'une série de lois, si vous voulez, d'une constitution de Clisthène, c'est un homme fantastique qui a inventé cette constitution, et c'est la démocratie totale, où il y a la liberté totale, où il n'y a pas de dictat. Donc, cette démocratie qui a duré pendant très longtemps, certains parlent de 2 siècles, même sous domination romaine à Athènes, en Grèce, et donc, qui était mort après, parce qu'il y a eu une république à Rome aussi, et puis ensuite, il y a des empires, des empereurs, ce qui fait qu'il y a des monarchies à Rome. Et ça a donné, si vous voulez, la monarchie romaine, c'était la tradition pour toutes les monarchies du Moyen-Âge. À la Renaissance, vous voyez un petit peu quelques républiques à Venise ou à Florence, mais pas tout à fait libres, jusqu'à en fait les révolutions. C'est surtout un besoin d'indépendance nationale qui chasse une monarchie, qui donne vie à une république et ensuite une démocratie. En France, il y a une démocratie à 1905, par là, c'est avec la laïcité, si vous voulez, etc. Bon. La Grèce, la Grèce nouvelle, parce qu'en fait, la Grèce est un nouveau pays, hein. Athènes, Sparte, tout ça, c'était des petites cités-États. Ça ne communiquait pas aux besoins, ça faisait la guerre. Oui, et, voilà. la Grèce, c'était un terme géographique. Mais ça devient aussi un État grec pour la première fois il y a 2 siècles, quand il y a eu la révolution, comme on dit en Grèce, ou la guerre d'indépendance contre les Ottomans à l'époque. Et donc là, d'abord il y a une démocratie, après les protecteurs de Grèce font arriver un roi et puis un autre, etc. Et puis souvent les Grecs se révoltent contre le monarque, la monarchie, chassent les rois reviennent avec l'aide étrangère. Et la Grèce, ça devient un pays colonisé, un protectorat, si vous voulez, pendant très longtemps, je dirais jusqu'à l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. La Grèce fut un protectorat, soit des Anglais, soit des Américains, soit des deux. Finalement, la vraie démocratie commence après la fin de la dictature. Car quand j'ai interviewé, par exemple, Patakos, qui était un général Patakos, brigadier à l'époque, et membre de la junte en Grèce, je l'ai interviewé pour mon film, et il m'a dit, nous, on était les vainqueurs de la guerre civile, et c'était très normal qu'on devienne le monarque, enfin, si vous voulez, contiennent les rênes du pouvoir. Oui, le pouvoir. Voilà, c'était. Il a dit dans une phrase, c'était exactement ça, parce que il pouvait pas imaginer ces gens-là qui avaient gagné la guerre contre les communistes, ils pouvaient pas imaginer le retour de la gauche au gouvernement, et tout le monde avait peur que la gauche allait revenir au pouvoir, ou venir, si vous voulez, pour la première fois au pouvoir en Grèce, avec le jeune Papandréou, et que les Américains et les colonels ne voulaient pas ça. Donc les deux se sont entraînés pour faire le coup d'État. Alors ça, on a, disons, une réponse d'ordre globalement politique sur ce qu'est la dictature. Mais après, il faut rentrer dans les maisons, sur les trottoirs, et zoomer, selon la technique du cinéma. Et quand on zoome, notamment au travers des témoignages, des évocations de torture, des évocations de violence, on s'interroge et on se dit, les gardiens du temple de la dictature en Grèce, policiers ou soldats, sont d'abord des Grecs. Est-ce qu'on doit comprendre que n'importe quel policier ou n'importe quel militaire est une peau de vache et qu'il ne fait qu'exécuter les ordres? Qu'est-ce qui fait que ça va tenir pendant 7 ans? C'est une stricte obéissance à la hiérarchie militaire? Ou est-ce que la dictature, pour qu'elle puisse être opérante au jour le jour et tenir aussi longtemps, va pouvoir s'appuyer sur un corps global qui lui obéit? Vous savez, ce qui s'est passé en Grèce après la guerre, pendant la guerre froide, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis à la même époque. Par exemple, Truman, qui était président des États-Unis, quand la guerre froide commence, si vous voulez, cette espèce de peur, le Red Scare, comme disait aux États-Unis à l'époque, parce que j'ai vécu cette époque aussi, hein, j'étais là, il avait peur qu'il y ait un mouvement ou dans le pays même, ou une attaque de soviétiques dans l'Europe, dans le monde. Ils avaient vraiment peur des Russes et de la gauche sur place. Et ce qui fait que donc Truman avait demandé à tous les membres du gouvernement, enfin du gouvernement en Amérique, des administrations, de signer des papiers qui condamnait, je ne sais pas quoi, qui était des papiers de loyauté et tout ça. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce, peut-être c'est venu d'Amérique. On demandait à tout le monde de signer ce papier. Si on ne le signait pas, on était soit mis en prison, soit on n'était pas employé. Donc, les gens qui étaient employés dans l'administration grecque, que ce soit la police, l'armée, tout l'appareil de l'État, c'était proclamé, au moins, anticommuniste. Cet État policier n'a pas cessé jusqu'à 63, quand Papandréou, Georges arrive au pouvoir. Il n'avait pas eu le temps de d'installer une nouvelle appareil. C'est l'ancien appareil qui, avant même, parce qu'ils avaient peur qu'il allait faire des changements, il commence donc, il y a le premier coup politique du roi qui chasse Papandréou du gouvernement. Il y a une instabilité politique qui a donné, si vous voulez, le prétexte au colonel de prendre le pouvoir avec cet état qui était à eux. Donc, il n'y avait pas de problème. Pour arriver à le faire sans résistance, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans toutes les maisons où ils avaient les fiches de la police depuis la guerre. Donc tous les résistants, c'était ma belle-mère par exemple, qui était une dame qui avait 65 ans à l'époque et qui était très active dans la résistance de gauche. Elle avait donc un dossier. Elle est parmi les premiers fichés, arrêtés, envoyés dans les îles. Cette dame qui ne faisait plus de politique depuis des années parce qu'elle était, elle était dans la résistance, c'est tout. Et donc, ils ont pris tous les gens, tous les résistants, les anciens résistants, tous les communistes, tous les gens politiques, etc., tous les gens, et même de droite, ils ont été arrêtés parce qu'ils n'étaient pas avec eux. On estime à peu près le nombre des arrestations à l'époque. Écoutez, officiellement, il y a 10 000 à peu près qui sont parqués dans un stade à Athènes, et ensuite, ils sont partis dans l'île de Yaros. Mais, à mon avis, il y a eu beaucoup plus dans les commissariats de tout le pays pour quelques jours et puis on les a lâchés après. C'est-à-dire, ils ont arrêté tout le monde qui pouvait résister et puis une fois que le gouvernement des colonels et l'état des colonels étaient bien installés, ils ont lâché certains qui étaient dans le commissariat, mais ils ont gardé les plus importants, disons, qui étaient dans certaines prisons, comme des hommes politiques importants, ou des cadres de la gauche qui étaient dans cette île de Yaros, une dizaine, dix mille à peu près. En effet, M. Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Télévision suisse romande, 4 avril 1967. Continent sans visa, Claude Dizeran. Le Parlement, le Palais Royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée. Même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde. On s'attend à une explosion de colère du peuple grec, mais les vagues d'arrestations stupéfient tout le monde. La prudence, parfois la peur, prennent le dessus. Le coup est bien monté, minuté même dans ses moindres détails. Les touristes consignés, eux aussi, s'assoient aux terrasses des cafés devant des tables vides. Aucun doute n'est possible, il n'y a pas un soupçon d'improvisation dans le déroulement des opérations. L'armée applique son dispositif avec l'assurance d'une troupe qui connaît la musique par cœur. Seuls doivent improviser les malheureux étrangers réchappés de l'aéroport qui débarquent dans une ville dont on ne sait si elle est bouillante ou morte. Une ville sans bus, sans tram, sans taxi, sans musée, sans restaurant. Vers midi, les Athéniens, venus à pied des banlieues jusque dans le centre, et ceci en dépit des interdictions, vers midi, ces Athéniens rentrent chez eux. Au carrefour, les feux sont éteints. Seuls circulent encore les jeeps, les ambulances et quelques voitures étrangères. La troupe est partout. Il vaut mieux filmer avec discrétion, faute de quoi la police vous embarque, comme ici les collègues d'une TV étrangère. Plus l'heure avance, plus il se confirme aussi que techniquement le coup va réussir. On sait aujourd'hui que le plan de cette révolution militaire datait de 2 ans déjà. Officiellement, elle a coûté 2 vies humaines, un refus d'obéir aux sommations, 1 balle perdue. Les colonels qui ont jeté le masque exploitent à fond l'avantage de la surprise. Ils annoncent à la population qu'après le coucher du soleil, on tirera à vue sur les passants. Les rues se vident. Athènes va bientôt s'enfermer dans un silence impressionnant, ponctué de coups de feu lointains. Thank you. Histoire vivante, cette semaine, la Grèce. Suite de l'entretien avec Robert Mantoulis, réalisateur. Robert Mantoulis, réalisateur, au micro d'Histoire vivante en 2010. Robert Mantoulis, juste avant cet entretien, vous aviez la précision de rappeler qu'il y a une singularité quant à la dictature grecque. Ça fait partie des choses que vous soulevez avec votre documentaire, puisque vous, avec de nouveaux documents, vous avez fait apparaître l'importante responsabilité, par l'intermédiaire du cabinet 303, si je ne m'abuse, des États-Unis. Alors, comme c'est pas forcément très précis dans la tête des gens, pendant 10 minutes, vous pouvez tirer à boulet rouge sur le cabinet 303 et ceux qui l'ont habilement animé, d'autant plus que vous avez eu l'audace d'aller faire parler quelques-uns. J'ai retenu les noms, Walter Rostow, qui se présente habituellement comme économiste, théoricien politique américain, qui est un anticommuniste convaincu, mais enfin qui accepte de vous voir. Alors, de vous recevoir. Quant à John Fatsis, alors lui c'est extraordinaire parce qu'il a une résistance à vous répondre. Enfin, racontez-nous tout ça. Écoutez, il y a eu avant moi un journaliste grec qui vivait à Washington, représentait un journal grec ou une station de télé et qui avait essayé d'obtenir certains documents de la Maison Blanche, de la CIA, etc., en faisant son boulot de journaliste pour écrire des papiers, etc. Papachialas, Alexis Papachialas, il est actuellement directeur d'un grand journal grec qui s'appelle Kathimerini. Alexis, avait demandé les papiers et on ne lui donnait pas, n'est-ce pas? Mais aux États-Unis, il y a une loi pour the free circulation of information qui dit que si certains documents ne sont pas dangereux pour la sécurité du pays, il faut le donner. Donc, lui, il a fait un procès. Les services ont donné les documents au juge. Les juges a choisi lequel il pouvait avoir et il avait accès à un certain nombre de documents, dont pas mal de documents signés par Rostow. Donc je demande à Alexis et il me donne des copies de ce document que je mets dans la poche avant que j'aille voir Rostow. Donc ancien conseiller de Lyndon Johnson, pour voilà, citer. C'est-à-dire il faisait le boulot de Kissinger avant Kissinger. Mais le problème, c'est que lui, il était très influent. Pas seulement... Rostow. Mm. Rostow, comme Kissinger, comme d'autres, McBundy, etc., comme Dallas, ils étaient de la même famille, sortis souvent de Yale, où il y a aussi Skull and Bones, une société très secrète, extrême droite, etc., d'où pas mal de grands officiers de la CIA sont sortis, etc. Souvent natifs du Texas. Lui, il est... C'est une famille. On les appelle en Amérique, les hommes politiques, les journalistes, the Rostow Gang. La gang, la bande de Rostow, parce qu'il y a cinq au moins, qui avaient le rein de pouvoir aux États-Unis partout. Ils étaient partout. À des postes très hauts. Et lui, qui était un ancien espion et qui est rentré après dans le conseil politique, etc., de sécurité toujours, il se trouve d'abord avec Kennedy et ensuite avec Johnson. Donc, c'est un homme important, très influent. On dit que c'est lui le Vietnam, la guerre du Vietnam, et lui, il m'a, parce qu'on avait une très longue discussion dans son bureau, presque toute une journée, et il m'a avoué qu'il avait fait le coup d'État, lui, en Indonésie, Suharto contre Soekarno, avec 1 million de morts. On oublie souvent ça. 1 million de morts dans quelques jours, de communistes qui étaient assassinés pour qu'on puisse prendre le pouvoir et laisser la voie libre pour Wall Street, parce que le lendemain, parce qu'il y avait plein de choses en Indonésie qu'il fallait exploiter. Il m'a avoué que c'est lui qui a créé le coup d'État contre Goulart, je crois, au Brésil. Et c'est lui qui a fait le coup d'État, il a avoué à la fin, à Athènes. J'ai ici vos messages au président Johnson du 21 avril 67. Extrait du documentaire de Robert Mantoulis, La Grèce des colonels. Ils vont peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Le coup d'État grec à 9h. La question immédiate est, qu'est-ce qu'on dit publiquement ? Je pense que nous devons exprimer, bien que mollement, des regrets, étant donné que la démocratie grecque est un symbole pour le monde entier, mais pas tout de suite. Celui-ci est du 21 avril, celui-ci à 6h30 et celui à 9h, je vois. Ils sont du matin même, du soir, le jour suivant, et ainsi de suite. J'étais sacrément au courant à l'époque. Ça a l'air d'être de moi. Walter Rostow, conseiller de Lyndon Johnson en 1967, présidait le comité 303 qui dirigeait les opérations clandestines à l'étranger à l'époque du coup d'État de colonel. Vous savez, ce putsch n'a pas été monté par les États-Unis. À vrai dire, il a été fomenté par ceux qui risquaient de ne pas être élus. Ce paragraphe aussi vous concerne. Je ne me souviens pas de ça. Compte rendu du comité 303, 2 mois avant le coup d'État. Walter Rostow. J'espère que vous comprenez, messieurs, que ce que nous avons conclu ici fait que le cours des événements futurs en Grèce devient inéluctable. Je suppose qu'il s'agissait de savoir si les États-Unis allaient intervenir ou non. Je suppose. C'est possible que je dise ça, sûrement. On m'a demandé de travailler pour la CIA en 1949. Et j'ai accepté d'aller en Europe comme officier de liaison avec les services secrets grecs, la KIP. Et c'était dans notre intérêt de travailler la main dans la main. Je voyais Papadopoulos très fréquemment. Nous avions plein de choses à faire ensemble. Et notre objectif, c'était de battre la gauche. Est-il possible que ces gens aient organisé un coup d'État et que personne ne soit au courant ? Je sais ce que vous insinuez. Vous insinuez que nous leur avons donné le feu vert. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Personnellement, je déteste aborder ce sujet. Sincèrement. Parce que même si j'avais ma petite idée, je ne vais pas vous la livrer. Je ne suis pas stupide. 30 ans après, quand même. On peut toujours mentir 30 ans après. À la fin, il me dit, c'est dans le film, et il me dit, ah oui, ça c'est signé par moi. Et je lui montre le deuxième document. Ah oui, c'est vrai, oui, etc., etc. Et à la fin, il ne peut plus. Il me dit, écoutez, monsieur, vous savez, oui, d'accord, tout ça, le coup d'État et tout ça, mais vous savez, le dernier responsable, c'est pas moi, parce que nous sommes des hommes de main, ici. On n'est pas élu comme chez vous en Europe, c'est le président des États-Unis qui est le responsable. Il était mort à cette époque-là, Johnson. On est des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Nous sommes tous des mercenaires. Voilà. Et donc, voilà pourquoi moi, je suis responsable de rien. Moi, je dis ce qu'il faut faire et c'est lui qui signe. Mais à mon avis, c'était lui, il donnait pas des ordres, mais il conseillait et on le suivait. Et c'est pas la première fois. Moi, j'avais lu, avant que j'aille voir Rostov Austin, j'ai lu tous ses livres, ici à Paris. Il y a la bibliothèque américaine à Paris. Donc, je trouvais ses livres. Et Rostov, je trouve dans, un, dans une page, il parle, c'est à l'époque où les Français ont quitté le Vietnam, et c'était les Américains qui allaient entrer. Et Rostov, à l'époque, déjà, il écrit un livre, comment il faut faire avec la gauche vietnamienne du Sud. Ils ont fait la même chose avec la gauche à Grèce par la suite. Et alors, Rostov, il dit, voilà, il faut appliquer ce que j'appelle la formule grecque. The Greek formula. Je lis ça, et je dis, c'est pas possible, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que vous avez entendu parler de ce... de cette formule? Je connaissais la salade, mais pas la formule. Mais Greek formula, qu'est-ce que c'est que le Greek formula? Alors, il est en train de conseiller aux Américains, parce qu'il est déjà aux affaires, lui, il est dans des petits groupes qui d'appliquer cette formule-là. Et c'est quoi cette formule-là? Greek formula, c'est de ne pas interdire les partis communistes, de les garder, de faire en sorte pour qu'il n'ait jamais plus de 10% aux élections, avec des pressions, etc. Parce que ça donne une bonne image du pays. Voilà, on a les communistes d'une part, et d'autre part, comme les communistes sont, ils sont ouverts dans le pays ouvert, on peut le ficher tous, parce que sinon, ils vont passer dans la clandestinité, on va pas savoir qui est qui. Et voilà comment il faut faire au Vietnam, parce qu'ils avaient déjà essayé ça en Grèce, avant la guerre civile. Et la guerre civile a commencé à cause de cette histoire-là, parce qu'en essayant de réduire l'image officielle de gauche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils assassinaient les gens pour qu'ils ne votent pas pour le Parti communiste. Robert Mandoulis, merci. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Demain, suite de notre semaine consacrée à la Grèce, nous recevrons Karine Doganis, docteur en sciences politiques et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.